Nyang. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition, la dernière de ce 30 mai, dont voici le sommaire. Certains des élus du peuple s'inquiètent quant à leurs indemnités de fin de mandat non prévues par le projet de loi 2019-2020 à voter hier à l'Assemblée nationale, mais le ministre burundais des Finances tranquillise. Le lycée Dama, une école privée située dans la ville de Lumonge, risque d'être fermée vu la façon dont elle fonctionne actuellement, dit le porte-parole du ministère burundais de l'Éducation, qui annonce pendant que les diplômes attendus depuis 2 ans vont bientôt être délivrés. Et la production du café a sensiblement chuté cette année jusqu'à 20% en province Kayanza, une situation due à une coupure de vieux caféiers sur les 2 dernières années, explique le conseil économique du gouverneur. Vous l'entendrez dans cette édition. En international, en République démocratique du Congo, la dépouille mortelle de l'ancien vice-président congolais Étienne Tshisekedi est en route vers Kinshasa depuis Bruxelles. C'est 2 ans après sa mort. L'inhumation est prévue ce samedi. La mise en onde est assurée par François Akimana. Rebonsoir et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page économie pour débuter cette édition. Le projet de loi des finances voté hier à l'Assemblée nationale contient 2 grands manquements selon le député Fabien Banchiganino qui a voté contre ce projet de loi. Ce député critique le fait que ce projet de loi prévoit toujours des cotisations aux élections alors que selon lui, ces cotisations violent la Constitution. Fabien Banchiganino dit également que la loi qui régit leurs indemnités de fin de mandat n'a pas été respectée puisque ces indemnités ne figurent nulle part. Suivez. Je n'ai pas voté cette loi parce que au niveau des collectes de cotisations, le ministre des Finances, conjointement avec le ministre de l'Intérieur, ils ont signé une ordonnance pour la collecte par force des contributions au niveau des salariés et au niveau des autres citoyens. Alors, l'article 4 de cette ordonnance précisait bien que le paiement de ces contributions devrait être volontaire. Mais à ce que nous avons vu, cette collecte est une obligation. En plus, n'ont pas prévu dans cette loi budgétaire les indemnités de fait de mandat des parlementaires qui devraient être versées aux parlementaires 1 mois avant le début de la campagne électorale qui suivent. Alors, comment les honorables députés pourront faire la campagne alors qu'ils n'auront pas de sous, n'auront pas de moyens? Ils ont plutôt voulu privilégier le parti au pouvoir qui dispose des moyens de l'État, qui dispose des fonds de leur parti parce qu'ils font des cotisations régulièrement à la population. Alors, pour d'autres partis, d'autres honorables qui voudront faire la campagne, ils n'auront pas de moyens, alors ils feront campagne seuls. C'est pourquoi je n'ai pas pu voter cette loi, malgré que ne pas la voter ne change pas beaucoup de choses. Mais personnellement, je suis tranquille. Elle ne pourra jamais voter une loi qui est contre la Constitution, une loi qui n'est pas bonne pour la population. Le député Fabien Banchiganino, le ministre des Finances, indique plutôt que l'ordonnance régissant les cotisations respecte toutes les lois du pays. Quant aux indemnités de fin de mandat des parlementaires, le ministre Domitien Diokoubgayo leur tranquillise que ces indemnités leur seront octroyées au mois de juillet de l'an 2020. Toutefois, il leur rappelle que la loi des finances stipule que dans certaines circonstances, des mesures exceptionnelles peuvent être prises. Je vous prie de le suivre. Je vous dis la vérité, nous considérons uniquement les moyens que nous disposons. Vous avez réclamé qu'on mentionne quelque part ces indemnités, mais si une fois je n'en trouve pas, il y aurait plus de problèmes. Vous aurez remarqué que nous avons prévu plus de 30 milliards pour financer les élections. Et ce montant ne sera plus mentionné dans la loi budgétaire de 2020. Espérons donc que vous allez toucher vos indemnités au mois de juillet de l'an 2020. Mais sachez dès lors que la loi des finances stipule que, dans les circonstances bien déterminées, des mesures exceptionnelles peuvent être arrêtées. Concernant l'ordonnance qui régit les cotisations aux élections, si j'ai posé un acte contraire à l'intérêt national, j'assume, mais sachez que moi, le ministre de l'Intérieur et tous les autres membres du gouvernement sommes rassurés que nous n'avons violé aucune loi. Nous avons tenu des réunions avec les syndicalistes et personne n'a manifesté un avis contraire. Mais nous demandons toujours que celui qui ne veut pas donner sa cotisation le manifeste et c'est son droit. Le ministre burundais des Finances, Domitien Ndihokubwa, traduit en français par Aubin Niyonkuru. Toujours en page économie, l'Association pour la solidarité patriotique, le développement et la protection de l'environnement demande au gouvernement de justifier l'utilisation des budgets annuels antérieurs avant l'adoption d'un autre projet de loi. Sébastien Missag, représentant légal de cette association, réagit après l'adoption hier par l'Assemblée nationale du budget annuel, du projet du budget annuel exercice 2019-2020. Il souhaite que la loi soit suivie en cas d'irrégularité constatée dans l'utilisation de ces fonds. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Poursuivons cette édition par la page éducation. Les diplômes des élèves qui ont régulièrement suivi les enseignements au lycée Dama, une école privée de la ville de Lumonge, vont bientôt être délivrés après près d'une année qu'ils étaient attendus. Cette annonce est de Juma Edouard, porte-parole du ministère burundais ayant en charge l'éducation nationale, qui informe que cette école risque d'être fermée dans l'avenir vu la façon dont elle fonctionne actuellement. Des précisions de Jean-Pierre Misago. La vérification de la régularité de ces diplômes a retardé leur octroi à leur titulaire, selon Juma Edouard, porte-parole du ministère de l'Éducation, de la formation technique professionnelle. À l'heure actuelle, la ministre de tutelle a déjà statué sur le cas, selon son porte-parole. Une requête adressée par la direction provinciale au ministre pour trouver une solution à cela a été reçue favorablement. Et au moment où nous parlons, Madame la ministre a déjà signé une suite à cette requête, une suite qui va permettre à ce que les diplômes réguliers, ça il faut insister dessus, les diplômes qui sont réguliers, eh bien, ces diplômes vont être délivrés incessamment parce que dès que la lettre tombe à la direction provinciale, sera mise en exécution et les diplômes réguliers pourront être délivrés sous peu. Mais il s'agit d'une école qui n'a pas d'avenir. Bien entendu, le lycée Dama est une école complexe aujourd'hui par rapport aux conditions de fonctionnement. Par rapport à la direction, justement, dans les prochains jours, c'est une école qui risque de fermer ses portes au vu de la situation qu'elle vit aujourd'hui. Au niveau provincial et au niveau du ministère, des réflexions sont en cours, justement, pour voir l'avenir de cette école. Mais pour le ministère, c'est une école qui n'est plus viable. Pour Pascal Nkurunziza, directeur ad intérim de cette école, le ministère devrait agir en sorte que les élèves qui la fréquentent encore ne soient pas victimes de l'absence du représentant légal, car l'association qui a créé l'école est là. À deux reprises, c'est l'oreille de l'année scolaire écoulée, ont déjà assiégé la direction pour réclamer leur diplôme. Jean-Pierre Misago de Pirumonga, Radio Isanganiro. Quittons le sud du Burundi pour nous rendre à l'ouest en province Cibitoke où des enfants exerçant de petits métiers autour du lac de Godogo situé en commune Rugombo de la province Cibitoke. Elles s'observent, ceci indique qu'ils sont dans cette situation à cause de la pauvreté qui sévit dans leur famille, déplorent l'abandon de l'école, faute de vivre. Cependant, le conseiller principal du gouvernement de la dite province juge ce comportement d'indigne et demande aux parents de s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Les détails avec Vestine Boutoui. Ces enfants des âges compris entre 8 ans et 15 ans se faufilent entre les gens se trouvant au bord du lac Togodogo, situé dans la commune Rugombo en province Cibitoke. Certains de ces enfants vendent des beignets et d'autres disent qu'ils attendent un emploi, notamment celui de nettoyer les poissons. Parmi ceux-ci, il y a ceux qui ont abandonné l'école et ceux qui continuent à suivre leurs études à l'école primaire. Un d'entre eux indique que la cause de son abandon scolaire est qu'il ne trouvait pas de quoi mettre sous la dent après son retour à la maison. J'étais en cinquième année. Moi aussi, j'ai dû abandonner l'école parce que j'étais orphelin. Je venais de l'école, très affamé. Arrivé à la maison, je ne trouvais rien à manger. Une fois, deux fois, une semaine comme ça, vous entendez que c'était impossible de continuer. Par la suite, il a pris la décision de ne plus retourner au banc de l'école pour chercher du travail dans le but de parvenir à se faire vivre. Je me mets à la recherche des moyens. Si je trouve 5000 francs, je dois consommer 1000 francs et épargner le reste. Je travaille dans les champs comme les résicultures. Néanmoins, il admet que c'est fatigant, mais qu'il n'a pas d'autre choix. Oui, c'est très fatigant, mais c'est la vie. On n'a pas de choix. Et notre enfant affirme qu'il associe les études avec le petit commerce. Il explique qu'il part le matin au lac Togodogo pour se retrouver à l'école après-midi. Le conseiller principal du gouverneur de la dite province, Anissé Saïdi, s'indigne de cette situation. Il y précise qu'il est interdit aux petits-enfants de faire ce petit commerce. Son métier pour les petits-enfants n'est pas permis. Et c'est pourquoi nous invitons l'administration à la base et de suivre de près pour que ces enfants soient suivis. Mais aussi nous invitons aussi les parents d'être tout près de leurs enfants et les conduire à l'école. Un des représentants des associations engagées dans la défense des droits de l'enfant, FENADEB, en province de Chibitoke, Saïdi Habumugisha, fait savoir que son mouvement des enfants est dû à la pauvreté qui se vit dans des familles. Il suggère que la meilleure solution serait la mise en place des centres qui vont accueillir ces enfants de la rue pour en effet les apprendre les métiers qui les aideront à s'auto-développer. Vestine Boutoui, en page agriculture au nord du Burundi, en province Kayanza, la production du café a sensiblement chuté cette année jusqu'à 20% dans cette province. Parmi les raisons, d'après le conseil économique du gouverneur de cette province, beaucoup de vieux caféiers coupés les deux dernières années, ainsi que la cyclicité. Plus de précisions avec Apollinaire Muzagara. Ce conseil économique du gouverneur de la province Kayanza dit être satisfait du bon déroulement de cette campagne café en cours, malgré la chute de la production. Comparativement à la saison précédente, l'actuel rendement a chuté jusqu'à 30 voire 20%. Sylvain Wakanibona indique que cela est dû d'abord à la cyclicité. La situation se passe ainsi quand la production caféicole a été bonne la saison précédente, dit-il. L'autre raison est que bon nombre de vieux caféiers ont été coupés, d'autres remplacent. Cette autorité tranquillise les caféiculteurs de sa province que la production va fortement augmenter l'an prochain. Ces vieux caféiers et ceux remplacés auront atteint la maturité la prochaine saison, rassure-t-il. Sylvain Wakanibona invite la population à se préparer à cette bonne production en quantité et en qualité en entretenant convenablement les plantations caféicoles. Le café de la station de lavage de Rwagabaga en commune Gatara de la province Kayanza s'est classé premier au niveau mondial lors de la compétition qui s'est déroulée l'an passé aux États-Unis d'Amérique. De Kayanza, Apone Muzagara, Radio Sangani. Restons au nord du pays, cette fois c'est en province Muyinga où le cimetière de Muyinga est en partie menacé par des gens qui font du commerce de nourriture, boissons et animaux. Pour certains des vendeurs, ça ne cause aucun problème alors que d'autres, dont des anciens, suggèrent le déménagement pour le respect de l'homme jusqu'à sa dernière demeure. Les précisions de Dieudonné Nzeimana. Le cimetière de Muyinga est divisé en deux parties, celle des musulmans et une autre réservée aux chrétiens. À l'entrée de ce lieu, des vendeurs y sont établis. De la bière, du tabac, du charbon, des animaux y sont commercialisés. Un homme assis sur la tombe affirme n'avoir aucun souci, conscient qu'il sera enterré aussi ici. Avis contraire, chez des personnes âgées et certains vendeurs qui réclament d'être réinstallés ailleurs. Nous avons peur. Quand des gens viennent procéder à l'enterrement de l'air, parfois on nous oblige de déguerpir un peu, signale une femme, de déposer sur une tombe. Des cimetières sans place encore disponibles restent toujours exploités par endroits dans différentes communes de cette province où il arrive de déterrer les restes des personnes anciennement inhumées. Jean Berkmans Mabansi, conseiller principal du gouverneur de la province Muyinga, conseille aux habitants de toujours penser au respect des morts conformément à la tradition burundaise. De Muyinga, Dieudonné Nzeimana pour la radio Isanganiro. Parlons sport à présent. L'équipe nationale Intamba Murugamba va prendre son avion ce dimanche à destination de Qatar pour les préparatifs de la coupe à la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 qui se tiendront en Égypte depuis le 21 juin lors d'une conférence de presse ce jeudi. Alain-Olivier Niungeko, sélectionneur de l'équipe nationale, a indiqué que les Hirondelles sont prêtes à dignement représenter le Burundi dans ces compétitions. Suivez. Je commence pour la préparation, les jeunes se préparent. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de blessés. Pour le moment, il y a 4 joueurs qui ne sont pas ici. Sinon, les 24 autres sont ici. Pour le moment, les préparatifs sont bien. Et à voir comment mes joueurs, la plupart jouent à l'extérieur, et je pense que ça ira mieux pour tout le monde, j'espère bien. Et sinon, dans les entraînements, vous voyez vous-même, on a vu des nouveaux joueurs. Ça va nous poser beaucoup de problèmes pour une sélection de 23 joueurs, mais c'est notre travail. Les matchs amicaux qu'on n'avait pas mis bien avant, et puisque comme vous savez, on va partir au Qatar le 2 dimanche. Il y a un match qui est prévu là-bas, le 11 contre l'Algérie. Et on est en train de voir si on peut faire des matchs avec un club de Qatar qui a un bon niveau. Et sinon, après le match d'Algérie, on ira à Tunis pour livrer un match contre l'équipe tunisienne de football. Et c'est après qu'on va partir vers Cairo pour la CAN. Et en général, c'est ça. Et les préparatifs se déroulent à merveille. Il nous reste justement à entrer profondément dans notre travail et pour voir qu'est-ce qu'il faut faire en Égypte pour voir s'il le faut apporter au Burundi un bon résultat. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En République démocratique du Congo, après quelques heures de retard à l'avion ramenant la dépouille d'Étienne Tshisekedi dans ce pays, a finalement décollé de Bruxelles. La présidence congolaise a annoncé que l'avion s'est envolé à 11h25 heure de Kinshasa, 12h25 heure de Bruxelles. Et les autorités congolaises ont dû trouver une solution de rechange dans la nuit. Car l'avion qui devait quitter Bruxelles pour Kinshasa hier soir n'est jamais arrivé à l'aéroport de Bruxelles, qui écrit la RFI. Et c'est finalement un avion privé de la compagnie Global Jet qui a décollé de sources sécuritaires avec à son bord la dépouille d'Étienne Tshisekedi et 19 passagers, un avion plus petit donc que celui qui avait été envisagé au départ, qui prévoyait de transporter plus de 200 personnes. Ceux qui n'ont pas pu monter à bord ont pu s'organiser pour arriver à Kinshasa à bord des vols réguliers. L'arrivée de la dépouille est prévue à 18h45 heure de Kinshasa selon la présidence et entre 19h et 22h selon d'autres sources. Et l'inhumation est toujours prévue ce samedi. Cela faisait 2 ans qu'il reposait à Bruxelles en Belgique. Voilà. Merci à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à François Kimana qui assure la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée. À tous et à tous. Au revoir.